Bonjour à tous. Aujourd'hui, cuisses de canette en civet pour 4 personnes. 4 cuisses de canette, 2 oignons, 2 carottes, 100 g de lardons fumés, 100 g de champignons de Paris en quartier, ragoût d'ail écrasé, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 1 litre de vin rouge corsé, un bouquet garni, du sel et du poivre. La veille, faire mariner les cuisses avec carottes, oignons, ail, bouquet garni et vin rouge. Le lendemain, bien égoutter, les faire revenir avec un peu de graisse de canard, singer, mouiller avec la marinade, filtrer, plus tomates concentrées et assaisonner. Cuisson 30 minutes environ à 40 minutes. Mettre au point, ajouter lardons plus champignons poêlés, dresser sur les assiettes chaudes, garniture, pâte fraîche, un petit vin conseillé, un gaillac rouge à boire avec modération.